95.3. Galaxy. We'll be right back. Bienvenue à bord de Party After par Pascal Mancini ce dimanche sur Galaxy. bonheur dans les ondes à l'instant avec Genesis, c'était la version 2007. Galaxy. Galaxy. Music for happy people. Happy people. Happy people. Sur Galaxy, Galaxy, Galaxy, Galaxy. Galaxy.

Crazy People à l'instant, Galaxy vous donne l'heure, il est 10h30, ne bougez pas, on se retrouve juste après ces informations de proximité présentées par Stéphane Laroche. Exposition de peinture du 11 janvier au 29 février à la Maison des Associations de Tourcoing. Découvrez-y les œuvres des artistes peintres de l'eau, Martine Gragzik ou encore Monique Delot. Plus d'infos sur ville-tourcoing.fr. Concert Nord-Sud avec en première partie les Copéens 2, dimanche 13 janvier 16h au CSE de Waterloo. Réservation comme toujours à l'office de tourisme 03 20 75 85 86. Prix des places 5 et 6 euros. Un événement, le grand gala de catch annuel par le film Thierry Tavernier, programmé le samedi 12 janvier 19h à la salle Roger Salengro de Waterloo, avec un panel des meilleurs représentants de la catégorie venus de toute l'Europe et un plateau des plus séduisants, à ne pas manquer donc. Pour en savoir plus, 06 87 91 31 66, renseignements et prévente au club situé rue Lamartine à la Maison pour tous de la Martinoire de Waterloo. 6e édition du festival Libre Regard, programmée du 14 au 19 janvier inclus, au Colisée Lumière de Marc-en-Barœul. Le thème retenu cette année est l'amour, avec au programme des classiques tels que West Side Story, Paris, Texas ou encore Gilda et bien d'autres. Programmation complète 03 20 45 45 46 ou sur marc-en-barœul.org. Toutes ces infos et bien d'autres encore disponibles sur galaxyfm.com, rubrique Info Régionale Galaxy. Galaxy. Something about you makes me go crazy. You're a freak. Make some noise in my bedroom, baby. You're a freak. Scream and shout my name, baby. Show me you're a freak. I like it when you take it from the back. You're a freak. Turn and twist around me, baby. You're a freak. Now lay down by your side and let me. You're a freak. I like it when you come around. You're a freak. Yeah. À l'instant, c'était du Elton avec le titre Paper Cut. Merci de votre fidélité. Vous êtes bien calés sur le 95.30. C'est parti after. On est ensemble jusqu'à midi. Et voici tout de suite pour poursuivre le remix de Noël Sinner sur Pullover. Le remix de Pullover et il nous reste une heure à passer ensemble. On va la consacrer en souvenir. On va ressortir les classiques de l'époque pour cette dernière heure. Et en plus, c'est la première de l'année. Voici tout de suite pour commencer Félix Daouskat avec Madame Hollywood. Infokanal. Vous écoutez Galaxy sur le 95.30, c'est parti after, la première émission de cette année pour l'émission 2008. On accélère le tempo, voici tout de suite le fameux Twist as Nice. Chaque dimanche, 10h midi, Pascal Mancini sur Galaxy. Galaxy. On n'a pas perdu de son charme à l'instant, c'était Julien Jabre. On poursuit tout de suite avec Lotus. Galaxy. We'll be right back. L'incontournable Irtikash sur les platines de Galaxy, il est 11h30. Dans une demi-heure, c'est ADN que vous retrouverez aujourd'hui pour une session Electro House, suivi de Michael H pour une session trans, suivi de Sly Arnaud pour une 16-18h. Baron Wesley suivront de 18h à 20h. Manray de 20h à 22h. Et vraiment au bout de la nuit, Sick pour sa session hardcore. Mais on va faire comme tout à l'heure, on se retrouve juste après ces quelques informations de proximité. Conférence du Club Ensemble sur Chagall, lundi 14 janvier, 14h30, à la Maison de l'Éducation Permanente, située rue Jean Castel, côté Parc du Lion à Waterloo. Plus d'infos, 0320 75 14 97. Une belle exposition de peinture baptisée Scènes en Flandre, par Thérèse Sénavedu, le 15 janvier et jusqu'au 24 février, au Musée des Arts et Traditions Populaires, situé rue François Mériot, Waterloo. Entrée libre, horaire de visibilité, 0320 81 59 50. De nouveaux rendez-vous du Centre Européen Humour à la Maison Folie, espace d'Avray de Tourcoing. Même en kilt, La vie vous assassine de Michel Rancard, les vendredis 18 et samedi 19, sans oublier une représentation programmée le dimanche 20 janvier. Ou Quand les paysages de Cartier-Bresson par la compagnie des Docks, samedi 2 février 20h30. Réservation sans plus attendre, 03 20 26 62 78. Pour en savoir plus, allez surfer sur eurohumour.com. 21e édition du Salon du lycéen et de l'étudiant, programmé cette année des 17, 18 et 19 janvier, comme toujours, à l'île Grand Palais. Horaire d'ouverture sans interruption chaque jour, de 9 à 18 heures. Ce salon est construit sur le thème « Bien choisir ses études et son métier ». Retrouvez toutes ces infos et bien d'autres encore sur galaxyfm.com à la rubrique Info Régionale Galaxy. Galaxy. Sur Galaxy. Save the Rhythm. Save the Rhythm. It's time for house. The baseline is coming. You've got all of you. Chelsea boys, take your shirts off now. Take your shirts off now. I want to see meat. Oh yeah, they're all sweaty. And they're all smooth because they're all shaped. I want to see me. It's coming again. My God. Yeah, grab me. Grab my ass. Fuck me on the stage. Yeah, that's what you want to see. He tells you, take it off. Take the shirts off. And everybody else too. Shirts off. Ecstasy. The ecstasy has everybody. Everybody wants ecstasy. Oh yeah. Did you find your ecstasy? Yes, who wants me? Come to me. And dance with Lula. Some of you take your pants off too. Ooh. Fuck me on the stage, yeah, that's what you want to see. Ooh, the baseline is coming. Take the shirts off. and everybody else too. Shirt off and dance with Lola. Some of you take your pants off too. Fuck me on the stage, yeah, that's what I want to see. The bassline is coming. Happy days on Galaxy. After avec Pascal Mancini chaque dimanche 10h midi sur Galaxy. l'instant, c'était Liz et Gigi pour le Your Love version 2003. Party After se termine. On vous souhaite bien sûr une excellente après-midi à l'écoute de notre radio avec dans quelques instants ADN pour une session électro. On vous souhaite bien sûr une excellente après-midi. Et pour terminer, voici tout de suite Kate Bush. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne après-midi. À la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Dans quelques minutes, c'est ADN, je vous rappelle, suivi de Michael H pour une session trance. Sur Galaxy. L'incontournable Kate Bush pour terminer cette émission. On va retrouver tout de suite ADN suivi de Michael H de 14h à 16h, Sly et Arnaud, Baron et Wesley, Mindré aux alentours de 20h. Et n'oubliez pas aussi Prélude comme tous les dimanches de 22h à 23h, présenté par Guillaume de Baskerville. Et ce soir, ça sera l'émission numéro 189. Merci d'avoir suivi cette émission. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Mais voici tout de suite ADN pour débuter ce début d'après-midi.